Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve enfin pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors j'ai sérieusement attaqué un nouveau roman porno en parallèle de ma lecture de Kink, un bouquin qui n'est pas un roman érotique mais qui est un livre qui parle des sexualités créatives. Bref, c'est pas le propos. Là, je me suis très sérieusement attaquée au roman porno écrit par John Black Fox qui s'appelle Le cul de Cathy. John Black Fox, j'avais déjà lu des trucs de lui il y a longtemps, des nouvelles, notamment dans la collection Osez 20 histoires de sexe. Si je dis pas de bêtises, Le cul de Cathy, c'est son premier roman et il est paru dans la collection Les Nouveaux Interdits aux éditions Média 1000 sous la houlette du splendide, du fringant, du superbe directeur de collection et éditeur, j'ai nommé Sir Christophe Siebert. Voici donc pour vous, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, un extrait lu par moi-même de ce premier roman de John Black Fox, si c'est bien le premier, en tout cas c'est le premier dans la collection Les Nouveaux Interdits et qui s'appelle Le cul de Cathy. Avant d'attaquer un tout petit mini pitch, on est au tout début du roman. Cathy, c'est une jeune femme qui se disait « bon, je vais me suicider parce qu'en fait, rien ne me fait envie dans la vie ». Ce qui détermine sa vie, c'est l'ennui. Elle se fait chier, en fait. Vraiment, il n'y a jamais de joie, il n'y a jamais de plaisir. Alors, dans le cul, encore moins, ça lui fait rien. Et elle se rappelle des amis qui lui avaient dit « Non, mais c'est normal, en fait, que tu n'aies pas de plaisir dans la vie parce que tu t'es jamais occupée de donner du plaisir à un mec. » Donc, elle se dit « Bon, avant de me foutre en l'air, je vais tenter un truc. Je vais essayer de donner vraiment du plaisir à un mec, voir si, je sais pas, ça comble un vide, ça me rend heureuse, ça fait un truc. » Donc elle commence à se mater des vidéos de jerk-off instruction, donc des instructions pour se branler. Donc c'est des nanas seules et qui donnent des instructions à des mecs pour se branler. Et ce faisant, elle suce des godes. Et en fait, elle regarde plein de vidéos de nanas qui sucent des godes. Elle les prend comme des tutos pour apprendre à sucer. Elle s'entraîne, et une fois qu'elle se sent fin prête à se jeter dans le grand bain, eh bien c'est là que ça commence. Voici donc l'extrait que je vous ai choisi. On est au tout début du roman de John Black Fox, Le cul de Cathy. J'étais enfin prête à me lancer dans l'arène. Un objectif simple, sucer un type et vérifier si son plaisir pouvait me rendre heureuse. Ma préparation tenait de l'organisation commando. Habillée comme un appât, petite robe noire et chaussures à talons compensés, pour me rendre dans un bar situé au pied de l'hôtel Best Western du centre-ville. Tout ce que la ville comptait de commerciaux et consultants en déplacement professionnel finissait par s'y croiser. L'endroit idéal pour aguicher des hommes discrets et aux couilles pleines de semences adultérines. Je n'avais pas d'autre intention que de sucer le premier qui oserait venir à ma rencontre. J'appris par la suite qu'il prétendait s'appeler Thierry. Un prénom qui inspirait la confiance, tout comme ses tempes grisonnantes et sa carrure imposante. Il m'avait à peine donné le temps de m'asseoir au bar. Je l'avais laissé venir à moi, curieuse de voir de quelle manière il réussirait à enrober son envie de sexe bestial d'un bon nappage de caramel social. C'est mon dernier soir en ville. Puis-je en profiter pour vous offrir un verre ? Je préférerais plutôt découvrir à quoi ressemble votre chambre. Il faut penser à se coucher tôt. Ce serait dommage de louper votre train à cause de la fatigue. Pourquoi pas ? Je n'ai rien à cacher, dit-il en faisant tourner son alliance autour de son doigt. La chambre, spacieuse et au mobilier sophistiqué, était à son image. Je fis un tour sur moi-même pour apprécier les grandes fenêtres donnant sur un ciel menaçant, le lit géant et les grands miroirs. Alors que je prenais place à ses pieds, il bafouilla. Tu veux peut-être que je prenne une douche ? Pas le temps de finir sa phrase que je dévoilais sa bite, ouvrant son pantalon avec une lenteur calculée, savourant avec une satisfaction de bon élève le bruit cranté de la braguette s'ouvrant au ralenti. Dans les yeux de Thierry, un éclat de peur et de désir. Il déglutit. Je ne me sentais pas intimidée, juste impatiente de le prendre dans ma bouche. Dehors, l'orage éclata. Comme pour ajouter de la dramaturgie, Thierry éteignit la lumière. j'y suis allée pas à pas, par petites touches de langue, avant d'encercler le gland avec mes lèvres. Sa bite était d'un diamètre inférieur à mon gode. « Taille sucette !» je me suis dit intérieurement, en réfrénant une envie de tout aspirer jusqu'aux couilles, comme deux petites friandises sucrées. Je lui léchai l'urètre. Une goutte s'en échappa. Je craignais qu'il ne jouisse avant même d'avoir commencé, alors je m'arrêtai un moment. Mais il ne s'agissait que de liquide préséminal, et je me remis au travail le cœur léger. L'absence de lumière m'aidait à me concentrer sur tous mes sens, sur la chaleur de sa bite, sa texture, l'odeur de musc à laquelle je m'habituais. J'avais oublié à quel point une queue, même très dure, restait aussi malléable, aussi tendre. Je m'amusais à la tordre sans jamais la lâcher des lèvres. Je profitais de sa docilité pour m'aventurer partout où je n'avais pas pu aller avec mon gode, en lui malaxant les couilles, par exemple. Thierry était dans tous ses états. Je comprenais pourquoi il avait voulu faire ça dans le noir. Lui qui avait fait preuve jusqu'à présent d'une certaine réserve ne pouvait réprimer de petits murmures qui n'avaient rien à envier à ceux d'une gamine. « Comment c'est bon !» gémit-il d'une voix fluette. Je continuais en lui titillant les boules. J'avais l'impression qu'il bandait plus fort quand je lui pressais les couilles. J'usais et j'abusais de cette technique. Je suçais Thierry comme si j'avais fait ça toute ma vie, de la manière la plus scientifique qui soit. Je lui caressais le bout du gland avec le pouce, non sans l'avoir humecté de salive. Petit jeu avec ma bave, mes doigts, ma langue. J'ai cru qu'il allait m'exploser tout entier dans la bouche, alors je me suis calmée, me contentant de le branler à deux mains. J'avais beau lui avoir récuré la bite sous toutes les coutures, son odeur fade me collait aux narines. Elle n'avait plus rien de désagréable, au contraire. Un éclair venait rompre l'obscurité de temps à autre. Je guettais ses moments pour attraper son regard. « C'est bon !» répétait-il d'une voix agonisante. Si j'avais été une vraie salope, je lui aurais demandé si sa femme l'avait déjà sucé aussi bien. « T'as pas envie de t'asseoir sur le lit ?» me demanda Thierry alors que je venais de finir de lui recouvrir l'intégralité du sexe d'une fine pellicule de salive, regrettant qu'il ne puisse pas voir les filaments de bave reliant sa queue à ma bouche. Il profita du changement de position pour se débarrasser de ses chaussures, de son pantalon et de son slip. Une fois assise sur le bord du lit, il me saisit par la nuque pour me rappeler mon rôle dans cette affaire, le sucer jusqu'à la garde, l'avaler jusque dans le fond de ma gorge. Le rire crispé et soudain qui s'échappa de ma bouche quand il frappa mes amygdales avec son gland eut toutes ses grâces. Il cessa de forcer le passage et entreprit de défaire les boutons de sa chemise. Je pouvais continuer à lui bouffer la bite à ma façon, moins profonde, plus démonstrative. J'y mettais tout mon savoir-faire fraîchement acquis, agrémenté d'improvisation de mon cru. À entendre les gloussements caricaturaux de Thierry, mon travail de fourmi commençait à payer. Je variais toutes les possibilités de mon jeu de langue sur toutes les gammes possibles d'aspirations et de succions, par cent manières de dénicher les angles morts pour y réveiller un plaisir insoupçonné. Sa bite, tout en longueur, m'allait très bien en bouche. Chaude, rugueuse, elle réagit par soubresaut quand je tentais une nouvelle fois de glisser le bout de ma langue dans la minuscule fente de son urètre. La moindre pression sur ses couilles provoquait chez lui d'incontrôlables spasmes musculaires et verbaux. Quand il me vint l'idée de lui prendre les boules à pleine bouche, il faillit m'arracher les cheveux en lâchant des jurons d'une voix haletante. « Putain, salope, putain, t'arrêtes pas !» Tandis que je m'appliquais à le sucer mieux qu'une pro, le bas de mon corps s'est mis à bouillonner. J'ai passé la main entre mes cuisses et découvris que j'étais humide. Ma chatte, toute gonflée, crachait de la mouille. « Étais-je excité ?» Mon cerveau primitif réagissait-il à une odeur ou ma position soumise, assise sur le lit, offerte au mâle debout? peut-être enfin allais-je éprouver autre chose que de l'ennui. Faire jouir Thierry m'apporterait déjà de la satisfaction. Un but dont je m'approchais à grands coups de langue. Il tremblait de partout, il se dressa en m'attrapant par les cheveux. Dans l'obscurité, avec l'orage qui zébrait le ciel en diagonale de manière anarchique, je me sentis tourbillonner, partir à la renverse et atterrir mollement sur le lit. J'avais perdu ma jupe et ma culotte dans la tempête. Durant une seconde de répit, je l'aperçus en train de dérouler une capote sur sa bite tendue à exploser. L'instant d'après, il se jeta entre mes cuisses. Sa bite me pénétra de toute sa longueur. Je m'accrochais à l'odeur de Thierry comme au seul point de repère sensoriel en mesure de me toucher. Mon chamboulement vaginal n'était rien d'autre qu'une excitation aveugle et sourde, incapable de m'apporter une connaissance du plaisir. Je ne sentais rien d'autre que le poids de Thierry, son haleine chargée de whisky. Jusqu'à ce qu'il se relève et se tienne fièrement entre mes jambes écartées en V. « Je peux te jouir dans la bouche ?» demanda-t-il, la main sur la bite, prêt à dégainer. « Ça y est, c'est fini, » je me suis dit. Je lui retirai la capote d'un coup sec par le petit réservoir et je me contorsionnai pour me placer à la bonne hauteur. Il pénétra ma bouche mi-ouverte et gicla aussitôt. J'avalai son foutre sans éprouver plus de satisfaction que s'il s'agissait d'un yaourt 0%. Le désir de Thierry retomba en même temps que son érection. Il s'échoua en travers du lit, me laissant en proie à l'introspection. Je l'avais fait jouir et je ne constatais aucune différence en moi. Comme je cherchais à remettre la main sur ma culotte, Thierry alluma la lampe de chevet. Un moyen comme un autre de reluquer mes fesses humides de sueur et de mouille. Allongé à poil en travers du lit, il comptait les billets dans son portefeuille. « 120, c'est OK pour toi ?» Je saisis les 3 billets d'une main flottante, sans rougir, à peine surprise d'avoir tout à coup changé de statut social. Au moment de claquer la porte, j'aperçus ma culotte sur le sol et décidai de la lui offrir en souvenir. Il l'avait payée assez cher. Dans le couloir, je ne m'attendais pas à ce que la porte de l'ascenseur s'ouvre sur un autre homme, d'un tout autre style que Thierry. Il portait sa trentaine avec un début de calvitie et 2 yeux perçants derrière des petites lunettes rondes. Je lui aurais plus facilement donné le rôle de professeur de philo que de manager en situation de crise. « Bonsoir, quel étage ?» me demanda-t-il, l'index prêt à presser l'une des touches du tableau de commande. En réponse, je pointais mon index juste en dessous de sa ceinture. J'avais juste tenté de répondre comme une fille qui éprouvait du désir. À force de faire semblant, celui-ci finirait bien par se montrer. L'homme baissa le regard. Je remarquai ses chaussures impeccablement cirées. La porte se referma dans mon dos et une violente odeur de sexe embauma la cabine de l'ascenseur qui grimpa de 2 étages. Sa chambre était identique à celle de Thierry. Elle me paraissait moins bordélique. Le chauve sans nom était plus minutieux. À peine avais-je formulé cette idée qu'une main me poussa en avant. Il venait de me jeter sur le lit, mais pas pour rire. Il me tira ensuite les jambes pour me placer à son goût, le ventre écrasé contre le matelas et les genoux bien ancrés dans la moquette. « Je suis pas le premier de la soirée, » dit-il en soulevant ma robe et en écartant mes fesses barbouillées de mouille fraîche. « Tu crois que je peux négocier une remise ?» Un ricanement suivit la claque qu'il m'administra sur la fesse. Je restai en place, poupée conforme aux exigences de son possesseur. Jamais je ne m'étais sentie aussi dépendante des actions d'un tiers. Est-ce que ça me plaisait ? Trop tôt pour apporter une réponse à une question aussi complexe. En moins d'une heure, j'étais passée de demi-pucelle frigide à pute d'hôtel sans même m'arrêter par la case salope. Cet état de servitude ne me gênait pas. Au contraire, ça me rassurait de ne pas devoir me soucier de la marche de l'univers. Tête tournée vers un miroir, je le voyais fouiller entre mes jambes avec ses longs doigts. À intervalles réguliers, il les ressortait pour les lécher et apprécier la qualité du millésime. Il ne se contentait pas de fouiller les recoins de mon sexe, mais s'aventurait aussi autour de la rondelle de mon cul. Chaque fois qu'il me touchait le cul, je me cambrais pour qu'il s'attarde sur cette atroce démangeaison. Je me sentais mouillée du cul, mais il ne faisait qu'y passer un bout de doigt avant de revenir creuser les parois de mon sexe. Je ne savais pas trop ce qu'il faisait avec ma chatte. J'aurais peut-être dû exprimer du mécontentement, au moins pour la forme, par rapport à la manière dont il s'était approprié mon corps. Il jouait avec mon sexe de manière totalement impudique, comme s'il s'était agi de son propre machin. Si au moins j'avais pris du plaisir. Mais ma chatte devait avoir quelque chose de spécial pour qu'elle le rende dingue à ce point-là et qu'il passe autant de temps à la trifouiller. Il m'écartait les cuisses pour mieux y mettre les doigts et la langue, la bouche et tout ce qui dépassait de son visage. Je me voyais offrir ma chatte contre un peu de tranquillité d'esprit. « Retourne-toi, » me dit-il, « relève ton cul. » Dans le miroir, je l'observais me prendre en levrette. Je regrettais de ne pas avoir pris le temps de m'exercer à autre chose qu'à sucer. Je n'avais jamais su m'y prendre au lit. Pour le moment, je m'accrochais au drap pour ne pas me faire éjecter du matelas. Il ne mit pas longtemps à se rendre compte de la supercherie. « T'es pas très vive pour une allumeuse. On va voir si tu dis toujours rien quand je te la mets dans le cul. » L'idée qui me vint, en plongeant la tête dans l'oreiller pour ne pas rigoler, c'est que j'étais sur le point de saboter ma vie. Et puis j'ai cessé tout net de penser. La folie faillit avoir raison de moi lorsqu'il posa son gland juste à l'entrée de mon cul. Mes sensations étaient si précises que je le sentis creuser les sillons de mon anus comme si je l'avais sur le bout de la langue. J'accueillis sa grosse bite tordue et bosselée en retenant mon souffle pour ne rien louper de ce moment. Je devinais les moindres particularités de son gland, comme si je l'avais pris en main. Le reste de son sexe me traversa l'esprit avec la même acuité. À bout de souffle, je criais, non par douleur, mais par la surprise de la révélation. Il était encore trop tôt pour que je comprenne la véritable nature du phénomène à l'œuvre. Pour l'instant, il se démenait dans mon cul, et cela me faisait vraiment quelque chose, du bien, partout, dans tout le corps, dans la tête. Mademoiselle se réveille. Sur le point de mettre les draps en morceaux, je voulais lui crier à quel point j'aimais ça, sans réussir à desserrer les mâchoires. « Je suis loin d'en avoir fini avec toi, » reprit-il en ajoutant encore plus de puissance dans ses coups de boutoir. Il m'a défoncé et défloré le cul. Je chialais de plaisir. Je me mis à onduler sans faire semblant, devenu enfin un vrai animal, habité par une impérieuse envie de se faire remplir. Plus encore que mon cul, je sentais surtout la pulsation fantaisiste de mon cœur, cherchant à s'extraire de ma cage thoracique pour venir prendre place directement dans mes intestins afin d'y projeter tout autant de sang que de sécrétions gluantes. « Mais quelle chienne !» dit-il juste avant de jouir, surpris par la violence de ma réaction. Il se retira pour éjaculer sur mon dos, alors qu'il m'aurait fallu sentir sans feu comme le sien dans mes entrailles pour assouvir cette soudaine découverte de l'avidité de mon ventre. J'acceptai les 200 € qu'il me présenta par la suite et courus vers l'ascenseur en espérant secrètement tomber sur un troisième homme. Il n'en fut rien. Je dus me résoudre à rentrer seul sous une pluie battante. Il me faudrait encore quelques heures, quelques jours, pour prendre toute la mesure de ce qu'il venait de se passer dans mon cul et dans ma vie. Le lendemain matin, je n'avais qu'une idée en tête. Je pris de l'avance avant d'aller au boulot pour avoir le temps de faire un détour par le sex shop. La nuit, ce coin excentré du quartier historique a des airs de petit Amsterdam. Dans la lumière matinale, la devanture de néon du French Fuck Theory n'avait rien de sexy. Et l'accueil se révéla aussi froid que la saison. « Désolé, on est fermé. Je n'en ai pas pour longtemps. Je sais ce que je veux. Oui, mais on n'ouvre qu'à partir de 16 h. » Je sortis les 320 € et les posai sur le comptoir. « Je veux juste un god pour le cul, » dis-je à la vendeuse. Ça y est, je vous remets. Vous êtes passé il y a 2 ou 3 semaines. Vous cherchiez un gode pour apprendre à sucer, je me souviens. J'aurais dû me sentir coupable, excitée ou effrayée par la perspective d'entrer seule dans un tel lieu pour réclamer quelque chose d'aussi impudique. Si l'une de mes anciennes colocs de fac m'avait raconté la même scène, cela aurait tout de suite pris des airs d'odyssée et d'analyse psychologique sur comment affronter ses peurs et le regard des autres. Moi, je m'en tenais à des questions pratiques. Vous me conseillez lequel ? Elle se dirigea vers un mur couvert de phallus multicolores et me présenta l'un d'entre eux avec la douceur d'une mère. L'important, c'est d'avoir une butée pour retenir le gode à l'entrée de l'anus. Sinon, slarp, ça vous file direct dans le ventre. Les articles alignés sur le présentoir n'avaient qu'une vague ressemblance avec des formes biologiques. Des scientifiques avaient dû s'arracher les cheveux pour modéliser ces formes abstraites et créer des outils conçus pour expérimenter toutes les variations du plaisir sexuel. Après, c'est surtout une question de diamètre. Généralement, on ne fait pas trop de fonctions vibrantes sur ces modèles. C'est plutôt pour le clito au con. Le clito, c'est pas mon truc. Je calculais rapidement les prix. Mon budget me permettait de m'en offrir 3 de formes différentes. Tous de taille relativement réduite en comparaison de certains monstres. Certains dépassaient la taille de mes 2 poings réunis. À la caisse, la vendeuse me proposa un tube de lubrifiant. J'acceptais et comme il me restait encore un peu d'argent à dépenser, je lui demandais d'ajouter 10 boîtes de capote. En sortant de la boutique, je pris une décision radicale. Je me ferais porter pâle au travail pour la première fois de ma vie. J'allais m'enfermer dans ma salle de bain pour m'assurer que la révélation de la veille n'avait rien d'une hallucination. Célibataire, je ne risquais pas d'être dérangée, mais je fermais tout de même la porte de mon appartement à double tour et passais mon téléphone en mode avion. Une boursouflure rosée soulignait le trou de mon cul, une écorchure dont la vivacité réclamait toute mon attention. Je pouvais détailler chacune de ces nervures dans le petit miroir que je tenais entre mes jambes. Le contraste avec ma chatte était saisissant. Mon anus semblait palpiter, tandis que les lèvres de mon sexe restaient muettes. Je fis couler le lubrifiant sur ma rondelle de manière indécise, ajoutant comme un filtre de réalité supplémentaire à cette vision. Les couleurs de ma chair devenaient plus visibles, plus saturées. Le périmètre de mon trou gonfla sous la douce caresse du gel transparent. Dans le reflet du miroir, les quelques poils de duvet se mirent à briller, puis le contact rassurant de mes doigts me dédouana du regard. J'aventurai une première phalange. Elle papillonna un moment sur les chairs enflées, comme un serpent, cherchant son chemin dans des crevasses accidentées. Je n'osais pas m'y enfoncer pour de bon, mais de peur de me salir, de peur de ce que j'allais vraiment trouver là-dedans. Le chauve-son-nom, lui, n'avait pas hésité à y mettre les doigts, la langue, la bite. Alors pourquoi devrais-je redouter mon propre corps? Qu'avais-je à craindre? Me faire bouffer la main? À force de me caresser l'entrefesse, je retrouvais peu à peu l'engourdissement de la veille. Cette nonchalance s'accompagnait d'un léger bouillonnement dans le sexe et d'une pulsation dans le bassin. Je n'étais désormais plus en mesure de refuser l'appel de mes entrailles. J'analysais chaque signe d'excitation comme un symptôme clinique, une réaction physiologique inexplicable, sorte de réaction animale. Le premier contact entre le gode et mon trou du cul confirma mon intuition. C'était sa place parfaite. Commença alors la lente rencontre entre ma chair accueillante et le génie technologique de la civilisation du pétrole. Je retrouvais toutes les sensations de la veille et bien plus encore. Pour le moment, je restais maîtresse de mes gestes. Nulle impétuosité masculine dans la progression de la pénétration. Si j'avais senti un déchirement la veille, il était ici question d'une sorte d'explosion au ralenti. Je suivais la progression de l'excitation nerveuse sans la subir. la laissant se déployer comme un rhizome, pareil à la simulation graphique de quelque réseau neuronal. Je pouvais sentir chaque micro-plissure de ce faux sexe plus vivant qu'un vrai, chaque millimètre d'avancée, chaque degré de température monter en moi. La douleur était présente, mais ne suffisait pas à me décourager, loin de là. Quand je me suis rendu compte que le jouet était rentré au complet, je lui fis faire le trajet dans le sens inverse, en me projetant en arrière sur le sol. Je gardais cette position un moment. Elle me permettait de garder un semblant de contrôle face au déferlement de sensations dont j'étais l'objet. Au bout de plusieurs minutes d'échauffement, le supplice s'est transmuté en exultation. Je pouvais me fouiller en douceur ou par à-coups, à la recherche de toutes les combinaisons de percussions possibles. Je m'aventurais aussi dans différentes postures, accroupie, pour m'envoyer le god comme un coup de poing dans le cul, allongée sur le sol et les fesses en l'air, pour trouver des angles de pénétration insolites, ou carrément sur le ventre, pour ne plus avoir qu'une seule chose à penser, comment faire au mieux pour déclencher la réaction la plus frénétique, la morsure la plus délicate, le frisson le plus mortel à l'intérieur de mon cul. À plat ventre, je pouvais totalement me relâcher. Mon attention se détachait, je m'effaçais dans un état de demi-conscience agréable, des visions de fleurs derrière les yeux, l'orgasme à portée de main. C'était donc ça, le nirvana? Voilà, c'est donc l'extrait que j'ai choisi de vous lire du premier roman paru dans la collection Les Nouveaux Interdits de John Black Fox qui s'appelle Le cul de Cathy. Vous venez donc de faire connaissance avec Cathy, jeune femme semi-frigide qui jusque-là n'avait absolument aucune sensation, aucun plaisir, ni sexuel, ni dans la vie en général. Vraiment, il n'y a aucun plaisir, rien que de l'ennui. Et là, elle vient de découvrir un truc de fou. Son cul lui amène des sensations jusque-là inconnues. Et croyez-moi, ça va la rendre dingue. Parce qu'à partir de là, Cathy va avoir une obsession, se baiser le cul, se faire baiser le cul et explorer cette nouvelle état d'être, en fait, cette sensation de vie qu'elle vient enfin de découvrir et de trouver. Ça lui amène de la joie, du plaisir, de l'envie, c'est un truc de fou. Alors, il va se passer plein de choses dans le roman. Il est construit en trois parties. La première partie, c'est vraiment l'exploration de Cathy toute seule. Après, elle va rencontrer Charlotte, la tenancière du sex shop. Et là, on va passer à un autre niveau. Et puis, il y a encore une troisième partie. Bref, que d'aventures pour Cathy. Je suis sûre que vous mourrez d'envie que je vous lise un autre extrait. Mais pour ça, il va falloir patienter, mes petits chats. Mais promis, je continue ma lecture et bientôt, je sélectionne pour vous un nouvel extrait et vous allez plonger dans l'exploration et la découverte de Cathy, de sa vie sexuelle et surtout de son accès au plaisir et à la vie. Ça rappelle quand même un truc essentiel, hein. C'est que la sexualité nous parle de plaisir et que des fois, c'est le moyen qu'on a d'avoir accès au plaisir, mais le plaisir n'est pas lié qu'au cul, il est lié à la vie en fait. Est-ce que vous la sentez palpiter en vous? Est-ce que vous avez accès à cette sensation de plaisir? Et c'est quoi, vous, votre moyen le plus simple pour y accéder? C'est par le cul? C'est par, je sais pas moi, les voyages, par l'exaltation en randonnée, dans des sports de vitesse. C'est quoi l'activité qui vous connecte le plus directement à cette sensation de vie et de plaisir? Dites-moi tout, j'ai hâte de lire ça dans vos commentaires. En attendant, la prochaine lecture, le prochain extrait du cul de Cathy. Vous pouvez aller faire un tour sur mon site charlie-liveshow.com. Là déjà, vous allez trouver tous les liens pour vous offrir ce roman de John Black Fox, Le cul de Cathy. Et puis, vous trouverez également sur l'article qui présente la lecture du jour une possibilité de laisser des commentaires. C'est sympa les commentaires, ça permet de discuter, ça permet d'échanger. Et vous trouverez enfin le lien vers mon Patreon. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, alors soutenez-moi, j'ai besoin de vous. Je rappelle que je suis totalement en autoproduction, que je ne suis pas financée, mis à part par les auditrices et les auditeurs qui ont envie que ça continue, ce podcast consacré à la littérature érotique, et qui me le font savoir en me soutenant sur Patreon. Patreon.com/CharlieLiveShow, sinon vous avez le lien directement par mon site. Vous mettez la somme que vous voulez, vraiment, ça commence à partir de 1 euro, donc vous voyez, c'est adapté à tous les budgets. Après, si vous voulez mettre 200 euros par mois, je n'ai rien contre, je vous jure. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, moi, je remercie tous les gens qui me soutiennent avec du contenu exclusif. Toutes les lectures sont en avant-première. Ils les découvrent avant tout le monde et ils ont droit à des petits extraits que personne d'autre n'entendra jamais. Voilà, vous savez tout. Bon, eh bien, écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous rappelle l'adresse de mon site internet charlie-liveshow.com. N'hésitez pas à parler aussi de ce podcast, à le faire connaître, à le partager. Oui, ça demande d'assumer qu'on s'intéresse à la littérature érotique. Mais je rappelle qu'on ne fait rien de mal en s'intéressant à la littérature érotique. C'est une forme de littérature comme les autres, hein, faut se le rappeler. Et le cul, c'est la vie quand même. Sans cul, pas de vie. Eh ouais, petit paradigme de base, quoi. Bon allez, vous pouvez reprendre de l'activité normale. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain extrait du premier roman de John Black Fox dans la collection Les Nouveaux Interdits. J'ai nommé Le cul de Cathy. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.